rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Caris. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est la dernière avec Caris ce soir dans Planète Rap, comment va? On est là, poteau. En pleine forme. 2-7-0 en force. 2-7-0, Caris. La puissance. Avec Sevran, hier, on a eu un gros live dans l'émission. Ouais. Ce soir, tu nous feras un petit freestyle, tranquille. Tranquille. Pour bien conclure cette semaine. Histoire de bien poser, tu vois. Et je tiens quand même à préciser quelque chose. Cette émission, on l'a enregistrée jeudi. Et voilà, il faut être honnête parce que c'est vrai que je sais pas ce qui va se passer vendredi dans la journée. Peut-être que quelque chose va sortir. Ouais, c'est peut-être pas enregistré. Donc c'est une émission enregistrée. Donc ne vous étonnez pas, n'attendez pas une réponse à quoi que ce soit aujourd'hui. J'étais à Bordeaux. Ce soir, ouais, là, t'es en fait, on est en train de parler, mais t'es à Bordeaux. Tu arrives à te dupliquer. Je fais les deux en même temps. Incroyable. Exact. Non, donc voilà, l'émission a été enregistrée jeudi, juste avant le direct de jeudi entre 20h et 21h. Mais cette émission, on va quand même passer un bon moment ensemble. Ouais. On va mettre aussi des extraits de Or Noir part 2, ouais, on va parler de l'avenir. On va parler de tout ce qui va se passer. Quoi. Peut-être un Or Noir part 3. Non, ça c'est fini. Non, il y aura un autre album derrière. Là, il y a un deuxième volet, mais c'est tout après. Ouais, c'est fini. On referme Or Noir. Or Noir est fini. Tout ce que tu avais à dire, tout ce que tu avais à proposer pour Or Noir, ça y est. Ça y est, c'est fait. C'est bouclé, c'est dans les bacs depuis lundi. Exact. Entre 20h et 21h, on va aussi saluer l'équipe de thérapie. Il y a les 2-0-93 et 2-0-31. 4124. Tout va bien? Tout va bien. En forme? Impeccable. Les sons sont bons, qu'est-ce qui sort du fourneau en ce moment? Ouais, ça bosse. Ça bosse dur? Toujours, comme d'hab. Motivé? Toxon, fantôme, motivé comme jamais. Créatif comme jamais? Bien sûr. Bon, et bah la preuve tout de suite avec un morceau, on débute avec lequel? Le à l'heure? À l'heure, ouais. À l'heure, direct. Allez, Caris, notre invité ce soir encore jusqu'à 21h dans Planète Rap. Son string, je suis combat, toutes ces faveurs. Malheur, mon frère, ma sœur. Leurs blooms sont faits de feu, je sens leur chaleur. Rien à foutre que l'air soit toujours plus vert ailleurs. J'la fumée, je survole comme un planeur. J'tends pas la main, j'tends le majeur. Les braqueurs n'ont pas de pièces pour l'ordinateur. Je vide les couilles et le chargeur. Donc j'suis dans leur collimateur. Ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf. Sauf si je meurs, je remonte du fond de la nuit. Clic 762 dans les tweets. Je suis la genèse, avec une main je rédige ma thèse. Dans l'autre main je tiens le crâne de Louis XVI. Je préfère le chant du Uzi à celui de ton R&B. Je veux vivre la plus jacuzzi, comme tous mes négros et tous mes albi. Quand la nuit ouvre ses ailes, elle me dit que je lui plais. Je n'ai plus d'encre pour elle, donc je trempe ma plume dans ma plaie. Mon flot traverse comme un astre filant, percute le sol comme un missile Milan. Dis machallah, raconte pas de blabla, ma voix t'emporte plus loin qu'à Scala de Milan. 2-7-0, 2-7-0, des départements depuis le berceau. Regarde mon teint, pas de plaisantin, je suis gravé dans la roche comme de l'art byzantin. Ma rime s'imprime dans ton cerveau comme des résidus de crack et d'héro. Nouvelle opus est tellement chaud que la mère de Chaka Zulu en perd ses os. J'en ai fini par être perché. Je me rappelle plus des versets. Où est l'étoile du berger? animal sans empathie. En kaki quand ça me fatigue. Je ne parle plus que de farci, plus de capital sympathie. Faut vous résoudre, je fais un carnage. Défonce tout sur mon passage. Qu'est-ce que tu vas faire à part te recoudre avant le mariage? Pas qu'on rabanne en plein délire. Tu me dépannes de l'Afghan. Je m'enflamme sans méthane. Je tombe comme la station Mir. Tous leurs démons ont des prénoms. Je sais qu'ils existent sous une tornade de grêlons. Mon armure souffle mais résiste. Je ne regarde plus avec les yeux, je regarde avec le cœur. Je ne crois plus en leurs discours. Ils ont tous des prompteurs. À l'heure, à l'instant, c'est extrait de la réédition Or Noir par 2 avec 11 titres inédits. Caris, notre invité ce soir encore jusqu'à 21h. 11 titres bien fournis. Bien fournis. Ouais. Très fournis. Trop fournis. Trop? Non, pas assez. Non, pas jamais assez. Jamais assez, en fait. Mais là, il y a déjà une bonne dose, hein, pour tous ceux qui aiment bien Caris, tous ceux qui ont fait partie des premiers acheteurs disque d'or pour Or Noir, et ça continue aussi. Avec la réédition Solution, on va passer des morceaux. Il y aura un live avant la fin de l'émission. Ouais. Et on va parler aussi un petit peu à venir, puisque c'est la dernière ce soir. Donc l'avenir, là, dans les mois qui viennent, c'est quoi? Beaucoup de tournées? On termine la tournée, on défend l'album et on prépare le prochain album. Ouais. Avec la force qu'il faut. Ça, 2014. 2014, ouais. T'as mis du temps, c'est vrai, à sortir le premier Or Noir. Il y avait eu différentes expériences. T'avais évidemment. J'avais fait une mixtape, 43ème Bima. Mixtape, ouais. J'ai fait une deuxième mixtape, bon, Zéro, qui commençait à faire prendre la mayonnaise, tu vois. Mm. Et ensuite, il fallait balancer Or Noir derrière. Et là, maintenant, tu veux plus rien lâcher, quoi. Je lâche plus rien. Rien du tout. C'est comme ça. Maintenant, les gens sont prévenus. Voilà, je lâche rien du tout. Tout le monde est prévenu. Je ne lâcherai rien du tout. Donc, en 2014, il faudra s'attendre d'ici la fin de l'année à un nouvel album de Caris. T'as déjà le nom en tête? Tu sais un peu ce que. On a des idées, mais. On va pas te donner quand même cet exclu là, t'en as déjà trop d'exclus, toi. Moi? On a eu, toi. J'ai rien fait. Oh, arrête. C'est vrai. Quel exclu j'ai eu? Bon, c'est vrai que c'était une semaine un peu mouvementée. Ouais, vite fait. C'est vrai que cette semaine est. Franchement, mouvementée de quoi? Rien du tout. Non? Tout allait très très bien. Toi, c'est pas un truc qui te gêne particulièrement, tout ce qui a pu se passer cette semaine, toutes ces histoires. C'est pas un truc qui t'empêche. Internet, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui t'empêche de dormir. Oh là là. J'ai un coussin, il est tellement moelleux. Dès que je pose la tête, paf, je suis parti direct. Qu'il en faudrait plus, quoi. Ouais, quand même. T'es pas le genre de mec à cogiter, t'es pas. Je cogite comme tout le monde, mais sur d'autres trucs. Il y a des trucs plus importants dans la vie. Par exemple, sur l'évolution toi, de ta carrière, qu'est-ce que t'aimerais idéalement faire J'aimerais faire des feats. Des feats? Ouais, c'est vrai que avec des rappeurs français. C'est vrai que même sur ces 11 titres inédits, il n'y en a pas un. C'était Or Noir, c'est la continuité, il fallait que je prouve. Et maintenant, j'aimerais bien faire des feats avec des rappeurs français. Avec qui, par exemple? Des rappeurs ailleurs. J'ai pas encore de nom dans la tête, mais je pense que ils se reconnaissent déjà. D'accord. Mais t'as déjà des petites idées, enfin tu penses oui, on a déjà nos idées, à des gens. On parle de tout. À des gens en particulier, ouais. Ah, il y aura des rappeurs du nord comme du sud si possible. Voilà. Toi t'as pas si j'accepte. T'as pas de barrière? Non, j'ai pas de barrière, jamais. Jamais. Pas de barrière. Par exemple, tout. Quel morceau, alors que ce soit sur la réédition ou alors sur le premier Or Noir, t'aurais aimé partager avec une personne? Quel morceau ou... Il y en a. Il n'y avait pas de morceau. Il y avait pas de morceau à partager. Que tout seul. Tu vois, Bouchon Liège, je vais pas le faire avec quelqu'un. Peut-être Zo, peut-être j'aurais pu faire un remix après, tu vois, de Zo. Mais bon. On t'a proposé ça? On t'a proposé justement plusieurs remixes? Non, on n'a pas proposé. Non. Bon, bah l'avenir nous le dira, avec qui tu vas poser dans les mois qui viennent. Ouais, c'est de faire du gros son, en tout cas, ça, le plus important, c'est de faire du gros son. Du son sale. Très très sale, toujours. Ça, c'est la devise de Caris. C'est obligatoire, ça. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs comme son sale maintenant? On met quoi? On va mettre l'intro direct. Ah, l'intro du CD2. Ouais. Ouais, c'est un morceau qui est revenu. Moi, j'ai vu les messages arriver en disant voilà, parmi les morceaux qu'il faut balancer, il faut à tout prix balancer l'intro. Ouais, l'intro. Ouais. Celui-ci, ouais, ça a été crashé comme ça. Voilà, celui-là, j'aime bien les intros, moi. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de refrain. J'aime bien les refrains aussi, mais là, tu t'écris. Là où ça, ouais, où ça kick, quoi. Il part comme ça. Où il faut mettre de l'image. T'arrêtes que quand la musique, elle s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Où il faut mettre de la punchline. Voilà, punchline à gogo, au maximum. Et ben, on le balance maintenant, c'est intro du CD2 de Or Noir. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. Direct. Back to the future. 2-7. 2-7 thérapie. Tu m'as croisé dans le Bronx, regard froid, œil de lynx. 2-7-0-4-1-124, la réponse pour le Sphinx. J'encule tous ces négros faibles, leur mouille se mélange à leurs règles. Condor sur le sommet, je vois tous les pigeons quand je plane au-dessus des aigles. On est dans le sous-marin, t'es sur le ponton, ça tire plus que sur les tendons. Fais un faux pas et mon équipe t'ouvre la chatte jusqu'au menton. Tu le sens quand je rappe que j'ai le truc, tu le sens mon bras dans ton huc. Nord, sud, est, ouest, où que tu sois, tu sens mon souffle sur ta nuque. Mon dos cache le soleil, gagne du temps, je te conseille. Je vais te faire perdre de l'oseille, je vais te faire perdre de sommeil. Elle traverse les frontières, le ventre rempli de mes business. Prends la baignoire, la nourrice, attends que mes fils naissent. Je passe en dehors des clous, je me range avec les miens. Je chasse avec les loups et je mange avec les chiens. Je suis au niveau supérieur, je vais faire trembler tes membres inférieurs. Les armes arrivent de l'extérieur, d'après le ministre de l'Intérieur. Ma mère est fière de moi, je me tape comme Attila. Leicester, la honte du père de Nabila. J'rappe comme à Chicago, t'as le flow de Patrick Juvé. Ramène-moi ta gauche du crash sur son duvet. J'suis comme un produit dopant, mais j'suis non détectable. J'suis sur un siège chauffant, et sur un siège éjectable. Bitch, tu peux pas me tester, ni à la seconde, ni dans 10 ans. Bitch, tu peux pas me tester, ni dans ce monde. Dans le suivant, trouve-moi fusil rose marron en train d'essayer de peser ma mère, couchée à la place de ton daron en train d'essayer de baiser ta mère. Je vais faire couler le sang de tous ceux qui n'aiment pas ma peau foncée. Je vais rajouter du rouge sur ce putain de drapeau français. Du CFA au CLA, tout n'est qu'on sait faire ça. Tout est possible ici bas, dans le gynéco RSA. Faire du bif avant que la vie ne te roule une pelle et ne t'enterre. Attends que l'État te tende la main, attends qu'il gèle en enfer. Le gouvernement et ses lois, des rotas. Que des devs avec du sang et de la demeure sur leur vodka. Faut que tu piches que je rigole pas. J'suis stock, ma, ni coke, ni colle. Ah, je me prépare comme un soldat. Ça c'est l'intro d'Or Noir Part 2. Caris avec nous entre 20h et 21h dans Planète Rap. Ouais. Intro, voilà, où ça kick. Très très sale. Où le son est là. Voilà. Présent. Ça dit ce que ça veut dire. Ça dit ce que ça veut dire, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. D'ailleurs, ça n'a pas de nom, c'est intro. C'est l'intro. Intro. Voilà, ça commence comme ça. Comme j'ai ça. Introduit comme ça. T'as pas fait d'outro ? Tiens. Non, pas d'outro cette fois-ci. Ce qu'on a mis à la barrière, tu vois. Mmh. On avait déjà mis pour ceux qui achetaient sur iTunes. Ouais. Comme ils l'avaient pas dans le CD, on l'a mis là-dessus. Donc, on peut dire que c'est l'outro. Réédition 11 titres inédits de Or Noir, partie 2 sur Skyrock, à découvrir entre 20h et 21h. Ce soir, tu joues à Bordeaux. Ouais. On le rappelle pour tous les Bordelais, là, dépêchez-vous, ça va pas tarder à monter sur, tu vas pas tarder à monter sur scène d'ailleurs. Je vais monter bientôt, là. D'ici quelques minutes. En attendant, on profite de toi dans la France entière. Et puis, ce week-end aussi, direction la Thaïlande. Tu vas aller jouer en Thaïlande. Ouais. Donc on ça, va aller plutôt... faire un petit showcase là-bas. Plutôt sympa. Histoire de faire kiffer les Français qui sont là-bas. T'as beaucoup joué à l'étranger ou pas? Ou pas encore? T'as donné beaucoup de concerts? Afrique, non? Non, t'avais pas, non t'as... pas encore, mais pas on encore. A fait les Suisses, Bruxelles, tout ça. Luxembourg, on a fait tout ça. Maghreb, pas encore et tout. Maghreb, pas encore, bientôt. Ça, c'est, des choses, cet été. C'est des choses qui se préparent aussi. Ouais, tout doucement. D'aller jouer un petit peu partout. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'aimerais beaucoup parce que bon, c'est la terre-mer. Mmh. Voilà. T'as quel rapport avec la Côte d'Ivoire? T'y vas encore régulièrement? Je me rappelle du village et de la Grande Darène, c'est tout. T'as pas eu l'occasion d'y retourner? Si, je suis retourné des dizaines de fois, bien sûr, je kiffe. C'est mon pays, c'est chez moi. Quand j'arrive à l'aéroport, il y a une odeur que je reconnais, tu vois. C'est comme ça. C'est un moment toujours particulier, non? Toujours particulier, chaque fois que j'arrive, c'est... je suis chez moi. Et donc quand tu vas jouer là-bas, ça va être... J'espère que ça va être un truc de dingue. En tout cas, moi, je vais me donner à fond. Mais j'ai l'impression qu'ils t'attendent, parce que j'ai reçu plein de messages justement de gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent, mais quand est-ce que tu viens jouer? Je vais venir les voir bientôt, Michel. Quand est-ce que tu viens à la maison jouer? Je vais venir à la maison, je vais venir à domicile, il n'y a rien. On t'attend avec impatience. Ouais, je suis pressé, moi aussi, d'y être. Et puis une tournée aussi dans toute la France pour voir Caris près de chez vous. Donc n'hésitez pas. Pour avoir toutes les infos, c'est quoi? Il y a la page Facebook officielle. Ouais, la page Facebook officielle. Après, donne la thérapie parce que je sais que Caris là-dessus tout ce qui est internet. Ouais, moi internet. C'est Caris officiel. Facebook quoi. Voilà. Et le Twitter c'est Caris officiel 1. Caris officiel 1. Voilà. Le Facebook je crois que c'est Caris officiel 1 en fait. Voilà. C'est ta thérapie toi aussi, t'es dans internet et... Ouais, non. T'es la Farid pour ça. C'est la génération 2.0 quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bon, dans un instant on va revenir, qu'est-ce qu'on mettra ce soir comme morceau? Tu veux mettre Killé ou quoi? On a déjà mis hier Killé. On va mettre un autre, on va mettre Pablito, hein, retour Pablito. Pablito. Ah, le retour de Pablito. Le retour, ouais. Ça c'est le morceau préféré Pablo. De Caris. Petit Pablo. Wow. Sur le 1 il y avait Or Noir et sur le 2 il y a Pablito. Pablito. Et bah bougez pas, c'est dans un instant, le temps de passer un peu de pub et un petit son sur Skyrock. Caris est notre invité. C'est Skyrock avec Pharrell Williams et Happy. À l'instant, on va revenir dans un instant avec Caris. Caris, notre invité cette semaine entre 20h et 21h, réédition de l'album Or Noir. C'est dans les bacs depuis lundi. Bougez pas, retour du son avec Caris. C'est juste après ça sur Skyrock, le retour de Planet Rap. De référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap spécial. Caris dans Planet Rap avec ce morceau Papito, extrait de la réédition Or Noir par deux. Deux, deux, deux. La came doit servir à remplir la caisse et la caisse doit servir à racheter la came. La vie veut ma mort, je suis sur le macadam. Je dis je suis hardcore, je n'ai pas d'état d'âme. La calache est pleine dans le Audi. Plus de sang dans les veines, on est maudit. Je retire pas mes chaussures, tout le monde y est passé. Je défonce ta que je neige, rentre comme dans un taudis. Tarzan va vendre la CC à Chita. Je vois du violet à travers mes dita. Je crache partout si tu veux de la maillot dans ta pita. Maintenant tu sais que je suis le père du bébé de Rachida. Je grimpe et je vais toucher l'Olympe. Sale fils de Yin, je vais bouffer mon imp. Tu pue la derme, en plus tu racontes nappe. Même Stevie Wonder verrait que t'as qu'une grosse tape. Cherche des conseils quand je trouve le sommeil. Cherche de l'oseille dès que je me réveille. Ouvre tes oreilles ou je t'enfonce mon orteil. J'suis noir à cause de la morsure du soleil. Je veux des plaques et des plaques, des plaques et des plaques. Je me déplace mais des claques. Ah, K47 Bosniak et t'es mort comme le préfet Erignac. Papito, Medellin. J'suis venu faire du sale et j'ferai ce qu'il faut. Papito, Medellin. Je veux de la péruvienne, des grammes, je veux des kilos. Papito, Medellin. Armure de guerre dans l'hélico. Pablito, Medellin. J'suis venu faire du sale et j'ferai ce qu'il faut. Tu n'auras jamais plus l'occasion de revoir un négro qui les attrape par le col avec une main. Je ne suis qu'un animal, du doute c'était deux héros. J'y veux juste être enterré comme un humain. Je suis dans la cuisine, j'parsis des douilles vides et leurs trous de balle avec du cumin. 7,62 en canne, pépin. Lèche-moi la queue et le fiac, je suis repeint. La rage de mon cartel va dépouler. J'arrache des porcs, j'artèle dans la foulée. Charasse, goût caramel, je vais la rouler. Calage dans ta cervelle, tu m'as saoulé. 93, je suis bien dans ma tour. 100 kilos de muscles, je pèse comme un ours. Je regarde ton donut, je ne pèse que le pour. Je ne te baisse plus ton cul, je te baisse ton amour. Jamais mon navire ne bouge. Pirate, retire à la banque. Je retire, rochis de ta bouche et tu retires l'étoile de ta langue. Plus je monte, plus c'est glissant. Plus je pense au CL600. Lâche une grosse caisse en pissant. J'arrose et parfume le rap depuis 10 ans. Papito, Medellin. J'suis venu faire du sale et j'ferai ce qu'il faut. Papito, Medellin. J'veux de la péruvienne, des grammes, j'veux des kilos. Papito, Medellin. Mitrailleuse armure de guerre dans l'hélico. Je ferai ce qu'il faut. Pablito à l'instant, extrait de la réédition Or Noir partie 2 qui est sortie lundi dans les bacs avec Caris, notre invité, entre 20 et 21. Caris qui est en train de bosser, tu me disais, donc sur un futur album. Ouais. Avec d'ailleurs, comment tu juges ton évolution depuis que t'as commencé dans le rap et tout, au niveau des flows, au niveau des paroles, c'est quoi, c'est beaucoup plus naturel maintenant? Bah, quand je réécoute les 1.43ème Bima, je trouve que j'ai progressé quand même. Ouais. Enfin, après c'est pour ma part, tu vois. Et c'est vrai que Zéro se rapproche un peu de... Je crois que c'est à partir de Zéro que j'ai eu un déclic. Ce que t'as fait, ouais, voilà. Sur la suite. Ouais, avec Caïman. Tu vois, il y a des sons quand même dans Zéro, tu vois, qui font que... L'autre funeste. Tous ces sons-là qui font que... Je commençais à me rapprocher de mon but final, tu vois. Et Or Noir, je dirais pas que c'est... C'est pas... Il y a encore à faire. Il y a encore trop à faire. Autothérapie. Beaucoup à apprendre. Qui est là depuis le début aussi, qui suit Paris Caris. Est-ce qu'il t'a surpris ou pas? Ouais, il m'a surpris sur le Blues Caris 1, le freestyle. Ouais, le freestyle. C'est là qu'il m'a vraiment, vraiment surpris et que là, je me suis dit, tiens, c'est bon, le mec, il est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, vraiment, tu vois. Donc, c'est ce Blues Caris 1 qui m'a vraiment choqué. Il a pas choqué que moi, de toute façon. Et vraiment, et voilà, les choses, elles se sont faites. Et franchement, le mec, il évolue, il est ouvert, tu vois. C'est frais de travailler avec lui. T'aimerais l'emmener justement sur des prods particulières, sur des sons particuliers ou... Nous, t'as vu, on se pose pas mille questions en fait. Hein. On bosse à l'instinct, j'envoie des prods, il choisit, je lui fais écouter, il passe au studio, il choisit. Et puis voilà, celle qui l'inspire, tu vois. Ouais, voilà, t'as vu, c'est pas... Il me dit pas, ouais, le double, ce serait bien qu'on parte dans cette direction. Ouais, c'est pas ça. Mais en même temps, on part dans aucune direction. Mais vous parlez un peu des morceaux, après, des influences, tu vois. Voilà, des influences. Et là, on part dans des directions. C'est plutôt nos influences qui nous poussent vers des directions. Mais c'est inconscient, quoi. On y va. Donc là, par exemple, comme influence sur le prochain album, ça va aller vers. Du sale. Ouais, voilà, ça va être du sale. Influence, on peut pas trop en parler, tu vois, parce qu'on a pas fini l'album. On est au début, tu vois. Donc on verra quand on parlera d'influence une fois qu'on aura la globalité du projet. Le squelette. Toi, tu recales beaucoup de sons ou pas? Ou vous êtes un peu sur la même ligne? C'est-à-dire que quand il t'envoie un son, ou pareil 2031, quand il t'envoie des sons, tu sais que ça va coller à peu près? En fait, le problème, c'est que je suis tout seul. Si je prends tous les sons, je vais pas m'en sortir. Ils sont tous bons, tu vois. Donc après, il faut choisir ceux qui collent le plus, tu vois. Après, ils sont pas tous bons non plus, tu vois. Il y en a qui sont un peu battus, des fois. Et voilà. Après, des fois, c'est le rappeur, justement, qui apporte la plus-value au beat, qui fait que le beat, tu me dis, putain, merde, en fait, il avait quelque chose. Mais après, attention, hein. C'est déjà arrivé qu'ils me disent non, cet instru-là, laisse, elle est battue, je vais en faire une meilleure. Et moi je dis non, donne-la, t'inquiète. Et j'arrive à faire un truc dessus. Par exemple, pour l'autre finesse, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais exactement. Ouais. Toi, c'est un truc qui te plairait de faire du son ou... Non, jamais. Jamais de son. C'est vrai, c'est pas un truc qui. J'espère ne jamais en faire. Tu ne travailles pas parfois avec une petite mélodie, un truc en tête. Je suis un mec, mais c'est dur de faire plusieurs choses à la fois. Ouais. Déjà, toi, c'est juste entrer en cabine. Des textes, rentrer en cabine, monter sur scène, faire des prestas en freestyle. Être opérationnel, être toujours au top, en bonne santé, en forme. Même chez les Caries, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui produisent et qui savent bien rapper, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a Dr. Dre qui faisait très bien, tu vois. Même Dr. si au niveau rap, tu vois, c'était pas non plus le top, tu vois. C'était pas le top. Mais au niveau prod, c'est. Voilà, tu vois. Mais les sons étaient toujours bons. Incontestables. Les sons. Voilà. Toi, t'as marqué Thérapie, justement, Dre, l'époque Dre, tout ça. Attends, ouais. Celui qui n'est pas marqué par Dre de nos jours. L'époque NWA, l'époque West Coast. Depuis le début, tu vois. Moi, je suis quand même d'un certain âge, tu vois. Entre guillemets, tu vois. Par rapport au petit. Qui s'est pas saigné sur California Love. Tu vois. Qui s'est pas saigné sur ce son. Et encore, Chronique 1, tu vois, le Chronique. Pas le Chronique 2000. Le Chronique 2000, il est lourd, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais le Chronique, le premier. Wesh. Ouais, on attend toujours Détox, mais je pense qu'on va toujours attendre celui-ci. Ça, ouais, je sais pas, faut voir. Je crois qu'il est passé dans le business autre part maintenant d'enceinte. Faut surtout pas s'inquiéter pour lui. Chacun a ses raisons, tu vois. Faut pas s'inquiéter pour lui. Ah non, je crois qu'on s'inquiète pas pour Dre. Voilà, donc après, il y a Kanye West aussi, tu vois. Dernier album, t'as aimé toi justement, Kanye, qui est un peu chelou pour moi. Qui est spé quand même, Trop chelou pour moi. Toi, ça te touche aussi, Caris, non? Kanye West? Ouais. Oh, moi, je kiffe de ouf. Même le dernier qui était. Dernier album, non. Dernier album, j'ai pas écouté. T'as pas écouté? Il a fait tellement de sons de gueudin que. Après bon, il s'est amélioré, tu vois. Si... Ah non, mais après c'est bien, il teste des choses, si il propose des choses. Laisse tomber son album Collège Dropout. Laisse tomber. Celui-ci t'a marqué, ouais. Celui-ci. Laisse tomber, frère. Laisse tomber. Il fait partie des classiques récurrents. Mais laisse tomber, y a rien à dire. Caris avec nous, il y a l'équipe de Thérapie et Diezik des Ulysse par téléphone. Salut Diezik. Ouais, allô. Ça va bien? Wesh Diezik. Ouais, toi. Les Ulysse se portent bien. Diezik. 91 sonne ou pas? 91 en force, mon pote! Bien, les gars! Bon, je te présente Caris, qui est là, notre invité toute la semaine. Ah, on le connaît, je ne me le présente pas. Bah, je te présente parce que là, tu lui parles peut-être pour la première fois, à moins que vous soyez croisés. Non, on s'est déjà vu. Ouais. Ça, vous connaissez? On s'est déjà vu, hein? Il n'y a pas de problème, on s'est déjà vu. Si. Et bon, on va t'écouter rapper maintenant, Diezik, c'est parti? Vas-y, okay, mon pote, donne ça! Session freestyle en direct des Ulysse. Dis-le! À Pierre! Yeah, t'es prêt ou quoi, hein? T'es MSR Diezik, au plus j'ecta les zik. Fougue, yeah. Quoi de neuf mon fougue, yeah. Quoi de neuf mon fougue, yeah. Ok. Tenez le manque de bif et le blé. Les cris et les pleurs qui retournent les meubles. Nous quand on est seul on veut pas que Dieu nous oublie. Alors qu'une fois serait simple, c'est nous on l'oublie. Souvent des bonnes personnes, on s'écarte dans leur rame. La vivance, pas le bif qui s'éclate. Dans ma tête on éclate, pas souvent on s'écarte. Pas de joker quand le chien t'a épargne. On veut jour le jour, pour la nuit c'est le feu dans nos gestes. De l'essence dans nos gènes, des frères, des potes qui sont des frères. Et les meufs, on les baise, le daron le fait pas. C'est le drame quand on rentre toutes les balles, d'autres je pense ça me fait faux. Lui mon fougueux, il me dit que c'est trop tôt. Tiens, fais les pas et tiens, on vient ici, tout ça des couilles en coco. Flo qui te fait voir les étoiles, frappe des slaps, un dingue de copie. Les rappeurs n'ont pas d'un fil, logiquement faut des pinceaux qui se copient. J'ai eu de CDI, MSR, dans le rap, veux son CDI. Ma thèse, Black Tie en I. Musique de drop, faut des Yankees. La capuche, elle est serrée. Comme le compte en banque. Dis-moi où se trouve le cas, je suis le gros lot, on ira soulever en banque. Je suis le radiateur ou le courant. Jeune Joe, je mets de la tension. Lunatique, sans plus une jambe, c'est pas Tim Becky. Il faut du bif. Yeah, okay. MSR, Jay-Z. Bon Jay-Zik, hein. C'était bien lourd, c'était bien lourd. Et bah, ouais, bien. Bien, ouais, mon gars, continue comme ça. Merci à toi, t'as des adresses à balancer, on peut te retrouver sur le net. Ouais, tu tapes MSR Jay-Zik sur Facebook, Twitter, tout ce qui bouge. On est dans le réseau. C'est pas terrible, merci à toi Jay-Zik. Ouais, je peux passer des dédicaces ou quoi? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je vais passer une dédicace à déjà à Philly, qui est avec moi dans le Clio. Dédicace à Moussa Zer, à J8BB, RK, 940 District. CPH, les Bay Day with Gaza Western, les Ulysse Gangsters et son doublesse de Ndra. Yeah. Et bah, une grosse dédicace à vous dans la Clio. Dédicace pas moi ou quoi? Dédicace à Kari. Si, mon gars. En force. Chargé. Chargé plutôt. C'est celui-là. Merci à toi, Jay-Zik, à l'instant en freestyle dans l'émission. Est-ce qu'on met un morceau avant d'attaquer ton live? Ouais, on va mettre un petit son quand même. Un petit son? On va mettre Killé, mon pote. Killé? Ouais. Bah, on l'a mis hier soir et on peut le. On va le remettre aujourd'hui. On va le remettre ce soir. On va kiffer encore. C'est pas grave. Deux soirs de suite, c'est bon. Il est lourd ce morceau pour passer deux soirs de suite, non? Comme jamais. Eh bah, c'est parti. On peut tous les passer tous les soirs. Tu peux les passer tous les soirs de la semaine. En boucle. En boucle, voilà. Allez, c'est parti. Killé, maintenant, c'est sur la réédition Or Noir Part 2. Loxone à la prod. Non, sachet rempli de cailloux, nous on est venu pour dealer. Calacher son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le kick, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. J'les écrase, pas le temps de piler. À la foule, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de coup, je suis né pour killer. Toxique vers le haut, face contre terre. Toxique comme les ronds, j'passe pas des artères. Trigoute absolue, belle vie vers ton père. Écoute où je bute, la mère de ton père. J'ai le mal de vivre, je rappe, j'fais du son. L'animal des rives érase tous les fonds. Tu veux ma chemise, t'auras que du plomb. Je ne fais pas la bise, braque dans le pion. Sachet rempli de cailloux, nous on est venu pour dealer. Calacher son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le kick, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. J'les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour killer. Vision infrarouge, j'vais vous déloger. Python dans ta bouche, j'vais tout délever. Pilon, Audi, couche, pour tous les drogués. Disons qu'on est louche, faut nous menoter. Je vais vous désosser, oui, je vais vous bolosser. On est les gros séries, faut nous développer. T'as raison, gros bon à la maison. Cargaison, gros flow à chaque saison. Sachet rempli de cailloux, nous on est venu pour dealer. Calacher son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le kick, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. J'les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour killer. Parle-moi de bis, où je pas la vie. Bélec à la gire, chez moi c'est maladie. devine qui reste qui. Plus violent qu'une béquille. Elle a les yeux qui pétillent et j'ai la queue qui frétille. T'es trop sûr de toi, faudra que je t'examine. Je suis sur le toit, t'es sur la mezzanine. Tu crois que je suis ton pro, c'est que t'es trop ni. Regarde bien mes crocs, regarde mes canines. Sachez rempli de cailloux, nous on est plus pour dealer. T'as lâché son voyous dans les rues destinées. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il peut déplier. Dès que t'entends le clic, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. Je les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour killer. À l'instant, qu'il est extrait d'Or Noir par deux avec Caris, notre invité pendant quelques minutes encore avant de faire tourner la roulette. Inscription 41759. Caris, prêt pour le live maintenant? Toujours prêt, poteau. Toujours prêt? Extrêmement prêt. C'est quand vous voulez? Session, c'est quoi, freestyle que tu nous lâches maintenant? Ah, un petit freestyle tranquille. Un petit freestyle tranquille maintenant. Des petites punchlines tranquilles. Avec des petites punchlines? Ouais, comme chez les fers. À la Caris. Si, si. Allez, c'est parti maintenant. Le DJ. DJ Fresh au platine. Thérapie musique. Je crois qu'il est en train de rebrancher le matin. KWA et Kétalsa Doom. J'ai l'impression que. Voilà, c'est parti. Bon, les sessions live maintenant dans l'émission. Or Noir, part 2. La force. La puissance. Avant de monter sur scène du côté de Bordeaux pour Caris. Freestyle tout de suite. De cette ZDR brave, poteau. KWA et Kétalsa Doom dans l'ascenseur du building. Toujours pas dans la suite présidentielle. La seule limite est le ciel. Caris. Caris. Si, si. L'archétan, ce que je la réserve, que Dieu nous en préserve. À l'usine comme des serbes, à la racine je les désherbe. J'attaque au bulldozer, quand je t'encule coopère. Je n'ai rien de plus proche que mon Moser. Ta fin est proche de mon Vosser. Réécoute la punchline ci-dessus. Je découpe en prime time, fils de pute. Je n'ai rien appris d'autre que l'art de rue. J'ai arrêté l'école pour te tirer dessus. Deux airs, analyse l'art martial. Que des clavés en avalanche. Légère paralysie faciale. Tu vas baver en avalant. 9-3-2-7-Z-2-R-O. Ne reste pas dans le coin, parle à tes copines. 5-65 pour ces négros. Je leur fais un shampoing à la chevrotine. Les vrais rapides ne naviguent que dans des eaux pas nettes. Vu que t'es qu'une de mer, tu navigues que dans l'eau des toilettes. Moi je sais pas faire dans les apparats. Je ne sais que mettre des rats dans la part. Je cherche ta lâche 24 taras. Je suis un guerrier du Maasai Mara. Peut-être qu'un jour je vais me ranger. Après toutes les têtes que je vais plomber. Pour l'instant je veux les voir manger. Toutes les miettes que je laisse tomber. Ils mettent des barreaux face à nos paupières. Celles les oiseaux passent les frontières. Dans le maquis, les eaux, les opères. Je suis dans le kaki, les géolégionnaires. Je débarque, j'obscurcis ton ciel bleu. Je fais ce que je veux. Ce rap est mon putain de terrain de jeu. King Jong 2. Je n'ai pas de maître. Tous en dessous du 9 mm. J'encule Chita, Elisabeth et Pipa. Chef d'état-major hardcore contre tous ses ports. Je n'abandonne ni les armes, ni les blessés, ni les morts. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. KWA qui étale sa double. Or Noir part 2 dans les bacs. 2-7-Z-2-R-O photo. C'est pas fini. C'est pas fini. Thérapie musique. BTTFshop.com. Clique. Caris, Sevran, Sevran, Sevran. À l'instant en live, Caris et ce freestyle sur Skyrock pour conclure pratiquement la semaine. Avant de se quitter, est-ce que, allez, un dernier morceau à passer, si tu voulais passer un morceau. Moi j'ai envie de passer le morceau par lequel on a commencé, en fait. J'ai envie de passer Zo, tu vois. Zo ? Ouais. C'est celui où il y a eu le commencement, on va dire, de l'album, c'est le premier extrait. Ouais. Donc on va terminer, c'est la première terminer. On va boucler Or Noir, part 1 et part 2 sur Zo, tu vois. Caris, il a parlé. T'es ok? Je suis corda tout le temps avec lui. Eh bah très bien, bah on écoute Zo maintenant pour conclure ce Planète Rap. On fera tourner la roulette après. Sortir du zoo, ton cadavre quelques plombs. Zo à l'instant pour conclure ce Planète Rap avec Caris. Ouais. Le morceau qu'on retrouve sur Or Noir et sur la réédition, la évidemment. Puissance du zoo. La puissance du zoo. Sevran, poteau. Sevran avec tous les beaucoup de monde de Sevran, ils sont tous passés cette semaine. Les Sevranais sont là. Entre 20 et 21. Des Chalands, Cité Basse, Cité Blanche, Cité Bleue, La Roseraie, Rougemont, les Radars, les 4 Tours. Voilà, dédicace à tous ces mecs-là. Les bedottes, mon frère, les bedottes en force. Tout ce rang. Qui est là ce soir et qui était là avec nous depuis le début de semaine. On va faire tourner la roulette et puis on se dit au revoir juste après. C'est parti. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Avec Nasser de PH du Roussillon. Ça va bien, Nasser? Ouais, ça va, tranquille, et vous? Je te présente Caris qui est avec nous toute la semaine. Bien, encore mon pote Nasser. Salam Caris, ça va, tranquille, frérot. Ça va. Nasser, est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? Allez, crie bien fort, Nasser. Crie bien fort. Tu vas gagner, Inch'Allah. Crie plus fort que ce qui se passe dans le studio. Ça crie fort aussi dans le studio, hein. Ça parle, hein. Les Sevranais, ça parle. Ah, c'est ça, poteau. Et là, ils sont calmes. Tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux. Ils sont calmes. C'est bon, t'as gagné, mon pote, c'est bon. Allez, concert de Stromae, c'est fait. Deux places. Allez, c'est ma fille. Deux places. Merci. Pour le Zénith de Saint-Etienne, c'est le plus proche, ça te va? Ouais. Je t'ai dit que t'allais gagner ou pas, Nasser? Bah ouais. Ah, je suis pion, moi. Je t'ai dit que t'allais gagner ou pas? Bah ouais, c'est vrai, t'avais dit. Et bah merci à toi, Nasser. Passe une bonne soirée. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bah, au plus important, pour commencer, la famille, ensuite, pour des potes enfermés, malheureusement, Huss, Red Bull, Carly et Vergomme qui se reconnaîtront, et à tous ceux qui me reconnaîtront. Et bah, merci à toi, passe une bonne soirée avec nous, Nasser. Allez, ciao, merci ciao. Default dans un instant. Caris, merci pour cette semaine. Merci à vous. C'était une semaine. Merci d'avoir invité. Agité. Mais non, une bonne semaine. Une semaine tranquille. C'était bien, ça. Ça réveille les. Hein? Les pulsations. Voilà. Bon, merci. Les pulsations, c'est un peu mieux. Merci, Caris, en tout cas, pour cette semaine. Or Noir part 2 dans les bacs. On te souhaite bonne chance pour la suite et pour l'album qui se prépare aussi en 2014. Il y aura un nouvel album de Caris. Inch'Allah. J'espère que tu viendras le présenter ici dans l'émission, entre 20 et 21. Si tu m'invites, je viens. La maison est ouverte. Ok. Merci à l'équipe. Tout le monde t'a entendu. Tu le sais aussi. Si. Fort comme jamais. Voilà. L'équipe de thérapie qui était là tous les soirs aussi. Thérapie musique. Tous les producteurs de thérapie, si tu veux dire un petit mot pour conclure thérapie cette semaine. 2093. 2093, 4124. Or Noir part 2 dans les bacs. Voilà, faut aller le pécho, faut soutenir le projet. Voilà. Eh ben merci pour ce petit mot de conclusion. Merci à vous tous. Ce soir, c'est, je le disais tout à l'heure en début d'émission, l'émission était enregistrée. Ce soir, on l'a enregistrée jeudi. Donc, s'il y a eu des événements ce vendredi, je pense que tu répondras par la suite. Il n'y aura aucun événement, il n'y a rien du tout. Il y aura bien l'occasion d'y répondre. Mais voilà, ceux qui attendent, justement, qui attendent avec impatience. C'est des coups d'épée dans l'eau. La suite du feuilleton, en tout cas, elle n'aura pas lieu ce soir. Et puis, elle n'a pas eu lieu ce soir puisque l'émission était enregistrée la veille. Mais c'est important de le préciser aussi puisque, je le disais, cette semaine a été un peu particulière. Merci à Caris et, la semaine prochaine de retour dans Planète Rap entre 20 et 21 on sera avec Tunisiano et là c'est Difool la radio libre. Merci Caris, merci à tout le monde. Difool, et oui, on est là en direct, nous. Yes. Et ouais, magie de la radio. Fredo est là. Et magie, bah ouais. Et Fredo est là. Alors montre que t'es en direct, toi. Moi, 20h50, 13 secondes. Dis le score de l'OM, Fredo. 0-0 pour l'instant, voilà. Avec 18 minutes 50 de jeu. Ouais, bien joué, Fredo. Mais qu'il est bon. Bien. Il est super, le Fredo. Bon, on a failli se prendre un but au bout de 8 secondes du jeu, quand même. Je pense qu'il y a but. Alors. Bien sûr. Qu'on arrive, Samy. Direct, ça. Allez, Ayou, ça y est. Claqué. Fini. Allez, putain, vas-y. Ils sont tous à terre, les joueurs de l'OM. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Ils dorment. Ils se posent. Ils jouent à quatre pattes. J'ai pris un sale coup de pied dans le tibia, quand même. Ah ouais. Aïe. Ayou, ça fait mal. Ayou. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est parti, là, jusqu'à minuit, Radio Libre. Minuit, tout à l'heure, Fredo, le grand retour avec la nocturne de Planète Rap, le 100% rap français du vendredi soir. Yes, et on va passer une heure avec Tunisiano. C'est un petit peu son before de Planète Rap. Ah, c'est bien. Puisqu'il viendra dès la semaine prochaine et on va passer une heure avec lui dans la nocturne tout à l'heure. Lundi, Tunisiano dans Planète Rap. Qu'est-ce qu'on découvre de Tunisiano dans Planète Rap? L'album Marqué à vie. Ouais. Qui sort lundi, 10 mars. Et ben c'est à pas louper. Et puis ce soir, donc en avant-première, c'est comme une avant-première de ciné. C'est ça. Soyez là à minuit pour être les premiers sur Skyrock. Minuit, 2h, la nocturne de Planète Rap. Jusqu'à minuit, c'est la grande radio libre de Skyrock qui débarque avec toute l'équipe qui est là. Romano, Lamarie, oui. Samy. Avec du clash aussi. Ouais, bah si mon adversaire arrive, je te battrai. On attend l'adversaire de Romano qui s'appelle Cédric. Ouais, c'est ça. Ouais. Il se prépare, il a été faire du sport. Ah, je savais pas ça. Ouais. En forme avant le clash. Normal, on va sentir bon, tiens. C'est quand même la belle de cette semaine pour le clash. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on a un partout là. Ouais. plein de choses qui déchirent hein, ce soir. On compte sur vous, évidemment. Le match de l'OM contre Nice. Et puis, bah, surtout, vous tous et vous toutes en direct. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Allez-y, je vois déjà plein de messages qui défilent. Donc, les messages, vous les envoyez sur le 41-759, sur l'appli Skyrock, sur le skyrock.fm et au 01-53-40-30-20. L'équipe est derrière ses téléphones. Ouais. Vous voulez arriver directement dans le studio, vous nous appelez. On arrive eh bien, tout de suite sur Skyrock avec Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Jesse J. Et puis. Mike Will Made It, c'est le producteur. Gros producteur, Fredo. C'est un très gros producteur. C'est le mec qui monte en fait aux États-Unis actuellement. Il est en train de tout produire. Il produit un album là qui va pas tarder aussi. Et je crois qu'il produit aussi plein de sons pour Miley Cyrus. Eh oui. D'ailleurs, je l'ai soupçonné d'avoir un petit truc tous les deux. Ah, yeah, yeah. Avec Miley Cyrus, c'est possible. Ça fricote. Fredo. Avec elle, tout est possible. Mais ça, c'est pour la partie ragot. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ça, ouais. Il ramène les petits ragots là. Voilà. Comme une meuf. Ouais. Il ramène les petits ragots. Une vraie gonzesse. Non, il ramène. Ah, il rapporte. C'est Mike Will Made It qui Ramon peut-être. Oui, peut-être. C'est ça, ouais, ça c'est possible. Ouais. Ben, c'est le son qui arrive tout de suite sur Skyrock et la radio libre est là. Profitez-en et à tout à l'heure, Fredo. Ciao, à toutes. Ciao.